25%. 25% des défaillances d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Et ça, ça n'est pas normal. Alors pour que vous ne soyez jamais à court face à un paiement trop long, au Crédit Agricole, on vous propose Cash in Time. Vous cédez vos factures clients en ligne et recevez l'argent en moins de 24 heures. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Sous réserve d'acceptation définitive de votre dossier par Crédit Agricole Leasing and Factoring. Conditions disponibles sur cashintime.com. Si notre Soleil faisait la taille d'un melon situé à Paris, notre planète, la Terre, serait un grain de riz à environ 15 mètres, Neptune serait un pois chiche à 450 mètres, et le nuage de Oort, cette ceinture hypothétique de comète primordiale, serait au sud de l'Espagne, soit aux confins de notre système solaire, à la limite avec celui des étoiles voisines. C'est pour vous donner un aperçu de l'échelle et des difficultés que les astrophysiciens ont à étudier ce nuage de Oort et l'éventuelle planète neuve qu'il pourrait abriter. Aujourd'hui, on vous emmène tout là-bas, là où il fait très froid et très obscur, aux confins de notre système, dans le nuage de Oort. Nuage de Oort, c'est toi là-bas dans le noir, c'est le programme des confins qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Encore un titre consternant. Et pour partir explorer cette extrémité de notre système et comprendre quel type d'informations on peut retirer d'une zone aussi lointaine et aussi sombre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alessandro Morbidelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome, planétologue, président du groupe thématique Système solaire au CNES. Jacques Lascar, bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes directeur de recherche CNRS et directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique du jour et le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, la NASA a confirmé qu'il y aurait bien de l'eau sous forme de glace à la surface de la Lune. Et cela fait longtemps qu'on essaye de trouver de l'eau cachée dans des cratères d'impact sur la Lune. Et depuis la découverte d'eau glacée sur Cérès, et même sur la très chaude planète Mercure, on avait bon espoir d'en trouver sur notre satellite. Alors pour ces deux études parues hier dans Nature et Astronomie, la NASA s'est appuyée sur les données obtenues par le spectrogramme en orbite LRO qui étudie les températures. Elle montre qu'effectivement, il y a ces petits cratères d'impact qui ont juste la bonne taille pour conserver de l'eau sous forme de glace. Ils ont été baptisés des pièges de surface et il y en aurait beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pensait, car ils occuperaient 40 000 km², soit 0,1% de la surface de la Lune, ce qui représente 600 millions de tonnes de glace d'eau. Dans le contexte actuel d'exploration et d'exploitation lunaire, cette possibilité de ressources en eau sur place aura des conséquences importantes. Agnès Yanja est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Déjà, au niveau des modèles, on prévoit en fait qu'il pourrait y avoir de la glace d'eau, au niveau aussi bien de l'eau apportée principalement par des impacts de météorites, et puis aussi par le fait qu'on a une partie en fait des volatiles à la surface de la Lune qui produisent régulièrement une petite exosphère. Donc on a en fait des molécules qui sont produites par l'interaction entre la surface lunaire et le plasma du Soleil. Donc des modèles le proposent en fait. Et ensuite, ce qui est expliqué dans le papier, en fait, c'est que la taille des cratères qu'ils ont trouvés aurait juste en fait la taille nécessaire pour que la température soit suffisamment basse pour garder cette glace sous forme d'eau, mais en même temps en fait que la taille des cratères ne soit pas trop petite pour que par convection en fait, donc par chauffage de la surface par le plasma solaire, cette convection en fait ne fasse pas fondre aussi cette glace. Mais là, j'imagine que probablement ils vont aller vers de l'exploration avec des rovers, là. Donc soit une exploration robotisée, soit des radars donc qui permettent de pénétrer un peu plus la surface, comme ce qui a été fait pour Mars. La NASA a un programme de retour d'astronautes sur la Lune en 2024. Et on sait d'autre part que la Chine donc, a un programme aussi d'intense exploitation et exploration de la Lune. Et donc, en fait, là, les enjeux actuels, c'est donc il y a Thales et Airbus qui ont proposé aussi de mettre en place des systèmes de gateway qui seraient en fait des stations orbitales autour de la Lune pour préparer en fait les explorations futures vers Mars, parce qu'il est plus simple de partir de la Lune que de partir de la Terre. Et l'ESA aussi a des projets en fait d'installation de villages à la surface de la Lune. Et donc effectivement, si on arrive à montrer que la Lune possède des réservoirs d'eau sous forme de glace, ça permettrait aux futurs explorateurs de pouvoir trouver, avoir leur propre source en eau. Voilà, et vous pouvez retrouver l'étude source, celle qui est publiée dans Nature Astronomy sur notre fil Twitter. On vient de vous publier le lien sur le compte @laméthodefc, également dans quelques instants sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon la Ligue contre le cancer, à cause de la crise du Covid-19, 30 000 cancers n'ont pas été dépistés. Et les effets collatéraux de la crise sanitaire, entre les retards dans la prise en charge ou dans le diagnostic, les accès aux soins décalés par le confinement et les opérations qui n'ont pas été reprogrammées, la Ligue contre le cancer sonne l'alerte. Du 17 mars au mois de juin, 64 000 diagnostics auraient dû être réalisés. Seule la moitié a été détectée. Il y a donc 30 000 cancers non détectés et autant de personnes non traitées. Pour l'Institut Gustave Roussy, la mortalité par cancer va augmenter de 2 à 5% dans les 5 prochaines années. Une étude parue dans le Journal of Archaeological Science décrit une sculpture fontaine qui date du Paléolithique supérieur. Cette œuvre d'art pariétal à Fontainebleau est vieille de plus de 20 millénaires. Sur les parois de la grotte est représenté un sexe de femme où trois entailles gravées à même la pierre évoquent une vulve. Un jour de pluie, les archéologues ont compris que cette sculpture servait aussi de fontaine. La fente vulvaire coulait, explique-t-il. Leur étude montre que la roche a bien été taillée pour laisser couler de l'eau. Ils ont ensuite mis à jour un aménagement hydraulique. Cette œuvre est déjà surnommée l'origine du monde préhistorique. Et enfin, selon une étude parue dans Science, comme les humains et nous toutes et tous en temps de couvre-feu, les vieux chimpanzés réduisent leur sociabilité. Les humains vieillissants ont tendance à privilégier les anciennes amitiés établies plutôt que les nouvelles rencontres. Eh bien, les chimpanzés aussi. Leur sociabilité évolue avec l'âge. Pendant 20 ans, une équipe internationale a observé les interactions sociales de 21 chimpanzés dans le parc national de Kibale en Ouganda. Les chercheurs ont découvert que les vieux mâles passaient plus de temps avec leurs vieux amis, à se toiletter ou à rester assis côte à côte, contrairement aux plus jeunes qui, eux, développent de nouvelles socialisations. Les chercheurs ont aussi découvert que les singes deviennent avec l'âge moins agressifs. Voilà, toiletter mes vieux amis, c'est toute l'histoire de mes soirées, Natacha Triou. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Allez, un peu de sérieux. Dès 1705, Edmund Halley, après avoir observé sa fameuse comète, dont il prédit qu'il ne la reverrait d'ailleurs pas de son vivant, émit également une hypothèse selon laquelle il existerait quelque part dans notre système une sorte de réservoir à comètes. Ces traces très anciennes du disque protoplanétaire qui a formé l'ensemble des astres de notre bon vieux système solaire. Si cette réserve a été postulée près de 250 ans plus tard par l'astronome hollandais Jan Oort, qui lui a laissé son nom, ce fameux nuage de Oort reste aujourd'hui encore hypothétique, compte tenu de l'extrême difficulté que nous avons de l'observer depuis la Terre et de sa très grande distance du Soleil. Il n'en reste pas moins que cette origine des comètes est longtemps restée une énigme qui a passionné l'univers de l'astrophysique et de l'astronomie, comme en témoigne notre archive du jour et la voix d'Evry Schatzmann dans l'heure de la culture française. Nous sommes en février 1951. Certains pensent qu'il s'agit de membres permanents du système solaire, peut-être des fragments produits lors des collisions engendrant les petites planètes, puis expulsés par Jupiter aux confins du système solaire. D'autres croient qu'il s'agit de débris interstellaires captés par le Soleil. Il y a 1 million d'années, elles étaient rassemblées dans un très petit volume. De même, Stroban a mis en évidence 9 étoiles proches qui ont le même mouvement dans l'espace que le Soleil. On peut suggérer, comme le fait Ambarzoumian pour des étoiles plus jeunes, qu'il s'agit des restes de l'association stellaire née en même temps que le Soleil et en partie dispersée au milieu des autres étoiles. En même temps que ces étoiles, auraient été formées les planètes et les débris cométaires qui reviennent maintenant jusqu'à nous, émergeant tout à coup du plus lointain passé. Voilà, ce mystère des comètes et de leur origine précise, décrit par Evry Schatzman en 1951, une réaction peut-être, Alessandro Morbidelli, à cette archive? Oui, c'est tout à fait clair. Je dirais que les hypothèses restent d'actualité. Aujourd'hui, on pense plutôt que les nuages de Oort aient fait d'objets des comètes qui se sont formés dans notre système solaire, ont été emplacés dans les nuages de Oort grâce à Jupiter et à l'action des étoiles voisines qui entouraient le Soleil à sa formation. Il y a de temps en temps, toujours, quelqu'un qui propose que les comètes du nuage de Oort soient capturées de l'espace interstellaire. On sait qu'il y a des comètes interstellaires, on les voit passer à l'intérieur du système solaire maintenant, on en a vu déjà deux. Mais les comètes du nuage de Oort ont une chimie et des propriétés isotopiques très semblables aux comètes à courte période qui, elles, forcément, viennent de notre système solaire. Et donc, il est un peu difficile d'envisager, à mon avis, que ce soient des objets capturés d'ailleurs. Jacques Lascar, votre sentiment vis-à-vis de cette archive d'Evry Schatzman qui a plus de 70 ans maintenant? Oui, sur l'origine des comètes. En fait, ça me rappelle aussi le texte de Laplace qui, en fait, comparait les orientations des comètes. Il se posait la question des orientations des comètes qui étaient dans toutes les directions par rapport aux planètes qui étaient à peu près dans le même plan. Et en fait, cette répartition des comètes, ça a été une question aussi qui a été importante pour Laplace, être à l'origine du calcul des probabilités, pour voir si effectivement elles étaient distribuées au hasard. Et donc là, on a pour les comètes comme la comète de Halley, une origine provenant du nuage de Oort, qui est quelque chose qui a une composante sphérique qui justifie ensuite ces orientations dans toutes les directions. Alors, on parle du nuage de Oort, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait envie de l'évoquer, mais là, on a eu une actualité que j'aimerais peut-être vous faire commenter l'un l'autre. Mi-août, d'ailleurs, une étude publiée par deux chercheurs de Harvard dans The Astrophysical Journal, qui est un journal d'astrophysique tout à fait sérieux et solide. Et cette étude remet le nuage de Oort au cœur de l'actualité, dans le sens où elle prétend que l'explication de son renvoi, et on va parler ses origines possibles, mais en tout cas du fait que ce nuage de Oort soit extrêmement loin, comme je l'indiquais au tout début de l'émission, dans l'introduction, eh bien que tout cela pourrait être explicable par la présence dans notre système solaire très jeune d'une deuxième étoile jumelle de notre Soleil. Alessandro Morbidelli, je crois que vous n'êtes pas complètement convaincu par cette étude. Oui, c'est un euphémisme. Je suis très critique de cet article. Bon, déjà, du point de vue technique, on va pas rentrer dans la technique, mais les chiffres qui sont invoqués dans l'article sont pris très à la légère. Ils estiment le nombre de comètes expulsées par étoile, à mon avis, exagéré d'un facteur 100. La capacité d'une étoile compagnon du Soleil à capturer des comètes aussi surestimée. Ils ne s'épanchent pas du tout au problème de comment cette étoile compagnon de la Terre aurait pu partir sans endommager le nuage de Oort. Mais c'est surtout du point de vue de la démarche scientifique, vu que c'est le titre de l'émission, que cet article ne me plaît pas du tout, dans le sens que en science, on a un critère qui s'appelle le rasoir d'Occam. Parmi les différents modèles, on tend à privilégier les modèles les plus simples, les modèles les plus génériques, et pour résoudre les problèmes. Évidemment, ces problèmes ne peuvent pas être résolus, on peut accepter des modèles qui sont plus compliqués, qui invoquent des choses improbables, des effets singuliers. Mais l'origine du nuage de Oort n'est vraiment pas un problème. Aujourd'hui, est très bien comprise, très bien modélisée dans le cadre de la dynamique de notre propre système solaire. Donc, il n'y a aucune raison pour évoquer que le Soleil était à l'origine une étoile double avec un autre compagnon de masse égale au Soleil qui est resté autour du Soleil pendant un certain temps. Il n'y a aucune raison. Carl Sagan disait que si on prétend avoir des résultats extraordinaires, il faut des preuves à l'appui extraordinaires. Or, il n'y a aucune preuve à l'appui ici. Je ne veux pas exclure que le Soleil n'avait pas un compagnon, mais ça pose plus de problèmes que des solutions. Et ces auteurs ont complètement zappé sur tous les problèmes, ont simplement couché quelques estimations analytiques plutôt mal faites, ils n'ont fait aucune simulation, ils n'ont abordé aucun problème qui vient à l'esprit de n'importe qui connaisse un peu les problématiques. Ils ont publié un article à va-vite juste pour attirer en fait l'attention médiatique. Et cette attitude de faire les choses vite et mal pour attirer les médias est vraiment très mauvaise, surtout dans cette époque où la science est sous attaque, on met tout en doute, on commence à redire que la Terre est plate, alors qu'Aristote déjà savait que la Terre est sphérique. Donc on vit dans une époque absurde où nous, dans la patrie de Louis Pasteur, on a plein de monde qui sont contre les vaccins. Et si les scientifiques perdent leur sérieux, c'est toute la communauté qui perd sa crédibilité. Et donc cet article était vraiment très négatif de ce point de vue. C'est entendu, et c'est un peu pour ça qu'on voulait d'une en parler, pour pouvoir le mettre de côté et revenir au fond de notre sujet du jour. Mais j'aimerais entendre tout de même aussi l'avis de Jacques Lascar. C'est vrai que c'est ce que décrit Alessandro Morbidelli, et c'est ce qui nous a surpris nous aussi un peu à la méthode scientifique, c'est qu'on voit qu'effectivement, bien, il y a plein de médias qui ont emboîté le pas, qui se sont engouffrés là-dedans en titrant de manière absolument certaine, voilà, le soleil a eu une sœur jumelle ou une étoile jumelle dès le début. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir The Astrophysical Journal laisser passer des papiers qui sont des papiers aussi légers, apparemment, méthodologiquement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Lascar ? Bon, alors moi, je dois dire, j'ai appris l'existence de ce papier quand vous me l'avez envoyé. Je n'ai pas été très sensible au buzz qui a pu être fait par ailleurs. Bon, j'ai vu, effectivement, qu'il y avait eu ce buzz sur ce papier. J'ai regardé le papier de plus près, du coup. J'y ai déjà vu une erreur, mais bon, ça c'est pas, on pourrait pardonner un référé, c'est une erreur qui est assez grossière, qui est dedans, qui est en fait restée, on peut dire une erreur de phrase. Mais à part le problème de dire oui, on n'a pas besoin de ce compagnon pour expliquer le nuage de Oort qu'a évoqué Alessandro, il y a quand même comme il l'a dit, des gros problèmes posés par l'existence de ce compagnon. Parce que si on a un soleil, donc un corps de la même masse que le soleil, donc un deuxième soleil autour du soleil dans un système solaire primitif, donc avec une distance qui est relativement proche, hein, 1500 unités astronomiques, il faut ensuite s'en débarrasser. Oui. Et s'en débarrasser, alors je lis là l'argument qui est invoqué, parce que c'est vraiment de l'invocation, dans l'article en question, et là je comprends pas comment ça a échappé à un rapporteur, parce qu'en fait l'argument est tout simplement d'invoquer la probabilité de se débarrasser d'un corps dans une autre étude, mais qui ne s'adresse pas du tout par le passage d'une étoile proche, mais qui ne s'adresse pas du tout à un corps de la taille d'un soleil, de masse solaire, mais à des particules de masse nulle. Et en fait, ce n'est pas la même chose de se débarrasser d'un soleil que de se débarrasser d'une petite particule. Il faut savoir que quand on fait, pour se débarrasser d'un corps, on peut le faire, ça peut exister. C'est-à-dire qu'on a un troisième corps qui arrive, on a un échange et quelque chose de très compliqué entre les trois. Tout à fait. Et à la suite, il y en a deux qui repartent. Celui qui arrive emporte l'un des deux et il reste un seul. Donc, c'est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est éjecté, c'est en général le moins massif. Donc en fait, et dans le voisinage solaire de l'époque, on a plutôt des masses, des étoiles de petite masse que des étoiles du genre du Soleil. Donc en fait, déjà, on a un facteur 10 dans les probabilités qui donnent, qui viennent du fait qu'on n'a pas on a 10 fois moins de corps massifs de la masse du Soleil que de corps, de faible masse. Et en plus, si on arrive avec ce corps massif à faire une interaction, ça ne va pas être juste enlever gentiment le corps qui est à 1500 unités astronomiques. On va avoir des échanges très compliqués entre les trois corps et donc des approches proches aussi du Soleil, de notre Soleil et du système planétaire. Donc, il va falloir démontrer, là, si on voulait le faire, qu'on arriverait à faire ça sans tout casser, ce qui me paraît, sans avoir fait les calculs, bon, bien sûr, je ne peux pas trop m'avancer, mais ça me paraît quand même difficile. Et au moins, ça nécessite une démonstration qui n'est pas prétente ici. Et si vous voulez en savoir plus sur la complexité de ce qu'on appelle en mathématiques et en astrophysique le problème à trois corps, eh bien on va vous remettre le lien vers l'émission entière. Nous y avions passé une heure et vous allez voir que c'était une heure assez touffue. On va vous mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous revenons donc à notre sujet d'étude du jour. Nous avons parlé du nuage de Oort, de ce nuage de comète qui est vraiment aux confins du système solaire. Je le disais, je vais vous le redire, si vous prenez l'émission en cours, c'est intéressant parce que ça donne vraiment une idée des distances qu'on a du mal à appréhender si on va vous parler. On va vous parler pendant toute cette heure en unité astronomique, en UA, peut-être même en année-lumière, mais certainement en unité astronomique. Si on ramène donc, une fois de plus, le Soleil à la taille d'un melon à Paris, la Terre est un grain de riz à 15 mètres, Neptune est un pois chiche à 450 mètres, et ce fameux nuage de Oort, il est au sud de l'Espagne. Donc c'est pour vous dire voilà, qu'on est vraiment tout à fait aux confins de notre système solaire, et que ce nuage de Oort, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, c'est encore un nuage hypothétique, mais nos invités vont nous dire à quel point c'est une hypothèse, ou à quel point c'est une hypothèse relativement solide. Alessandro Morbidelli, Jacques Lascar, peut-être pour commencer, ce nuage de Oort, on n'a pas de preuve observationnelle directe de son existence, mais son existence est tout de même relativement certaine. La raison qui fait penser à l'existence d'un nuage, d'un réservoir de comètes, c'est l'observation des comètes qui viennent nous voir. C'est à partir de la distribution de ces comètes qu'on en a déduit l'existence d'un réservoir de comètes situé de manière lointaine. Et c'est à partir des distributions, la seule chose qui est observée, c'est la distribution des comètes qui nous visitent. Parce que les objets du nuage de Oort dans le nuage de Oort, personne ne les a vus. Hein, voilà. Donc, mais c'est à partir de calculs qu'a été émise cette hypothèse. Et ensuite, bon, elle a pris corps avec les modèles de formation, elle a pris corps avec chaque chose. Chaque raffinement dans la distribution des comètes observées a raffiné l'hypothèse de ce nuage. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'on a ce réservoir de comètes et ensuite, ces corps sont perturbés soit par des passages d'étoiles proches, soit par les marées galactiques. Et ça fait que de temps en temps, il y a des comètes qui viennent nous visiter. S'il n'y avait pas ces visites régulières, en fait, on n'aurait plus de comètes, parce que les comètes qui viennent trop près du Soleil, au bout de quelques tours, il n'y en a plus. Elles ont complètement été vaporisées et donc elles n'existent plus. Donc pour permettre l'existence, pour constater deux comètes, d'un flux régulier de comètes, il faut qu'on ait cette déstabilisation de comètes du nuage de Oort qui viennent nous visiter. Et il faut bien sûr, évidemment, qu'il y ait un réservoir qui continue à alimenter ces passages de comètes. Alessandro Morbidelli, donc, sur la certitude aujourd'hui de l'existence du nuage de Oort, on a évidemment pas de certitude, mais en tout cas, aujourd'hui, on a des intuitions relativement solides, pourrait-on dire. Oui, comme disait Jacques, l'observation des comètes ne laisse pas l'ombre d'un doute. Il doit y avoir un réservoir qui a une symétrie plutôt sphérique, vu que les comètes arrivent de toutes les directions et sont pas coplanaires avec les plans des planètes, elles ne tombent pas toutes dans les mêmes sens autour du Soleil que les planètes. Donc ce réservoir doit avoir une symétrie à peu près sphérique. Vu la taille des comètes à longue période, ce réservoir doit être situé entre 20 000 et 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Alors on est vraiment très loin, 100 000 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil, et ça veut dire une année-lumière et demie. Donc on est à un tiers de la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche. Vu les flux des comètes, et vu la modélisation de perturbations par les galaxies et les étoiles proches, on peut même déduire combien d'objets, en ordre de grandeur près, il doit y avoir dans ce réservoir. Donc on estime qu'il doit y avoir à peu près 100 milliards de comètes, 100 milliards d'objets plus grands qu'un kilomètre. Or, il est vrai que ces comètes n'ont jamais été directement observées. Donc, si vous êtes comme Saint Thomas et vous devez toucher aux choses pour les croire, bon, le nuage de Oort est une hypothèse. Mais bon, en réalité, on n'est pas tout le temps comme ça. Hein. Quand vous allumez votre ordinateur, vous n'allez pas le démonter pour voir s'il y a un processeur dedans. Le fait que l'ordinateur vous fournit des calculs, des prestations, vous allez croire qu'il y a un processeur dedans. Et ici, c'est pratiquement c'est la même chose. On est dans le même cas de figure. C'est quelque chose de trop loin, fait d'objets trop petits pour les voir in situ, mais on voit ces sous-produits. Et à partir de ces sous-produits, on peut affirmer avec une certitude pratiquement totale que ce réservoir est bien en place. Ça a l'air énorme quand on entend ça, Alessandro Morbidelli, 100 milliards de comètes. Mais en fait, une fois de plus, on est à des distances et dans un espace tellement vaste que finalement, c'est pas du tout une nuée de comètes. Il faut imaginer que ces comètes, elles sont diluées dans une quantité d'espace qui est immense. Qui est gigantesque, ouais. Hein, oui, c'est le vide absolu d'un nuage de Oort. D'ailleurs, il n'y a pas de possibilité de collision entre les corps. L'espace est trop grand. Tous ces corps, en fait, au départ, étaient bien plus près du Soleil. Ils étaient dans un disque, les mêmes disques qui ont formé les planètes, les planètes géantes, se trouvaient sans doute un peu au-delà de l'orbite des Neptunes. Et évidemment, à l'époque, ils étaient beaucoup plus amassés, beaucoup plus proches les unes aux autres. Il y avait beaucoup moins d'espace. Il y avait aussi beaucoup plus d'objets, hein, parce que pas tous les objets sont finis dans les nuages de Oort. Seulement à peu près 5% sont finis dans les nuages de Oort. Les autres ont été éjectés dans l'espace interstellaire. Et donc, à l'époque primordiale, quand ces objets étaient tous ensemble, là, oui, ils pouvaient en rentrer en collision entre eux. Et d'ailleurs, toutes ces collisions ont sculpté leur forme et aussi leur distribution d'état et certains complexités qu'on observe. Le premier à avoir fait l'hypothèse, hein, je le disais, d'un réservoir de comètes, c'est Edmund Halley, donc au tout début du XVIIIe siècle. Le nuage de Oort s'appelle d'après Jan Oort, qui est un scientifique néerlandais. Mais il y a quelqu'un d'autre, bon, on l'appelle parfois aussi le nuage de Oppik et Oort pour Ernst Oppik, qui en 1932 fait également cette hypothèse que les comètes ont pour origine un nuage à la limite externe du système solaire. Les travaux de Oppik et de Oort, qui veut répondre là-dessus sur ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, en fait, cette hypothèse est fixée depuis ces deux astronomes. Jacques Lascar, peut-être ? Non, je n'ai pas le compte-rendu historique de ces... Mais c'est vrai que c'était connu et ça avait été hypothétisé bien avant Oort. Je voulais juste préciser que la masse totale du nuage de Oort, c'est quelques masses terrestres, en mais fait. On n'a pas la précision, la valeur de manière précise, mais c'est quelques masses terrestres. C'est pour voir que c'est effectivement très vide. Très vide. Alessandro Morbidelli, peut-être un mot rapide sur Oppik et Oort, sur leurs travaux, avant de passer justement sur la nature, parce qu'on va voir que ce nuage de Oort, il est très grand, mais qu'il est aussi composé en plusieurs nuages internes et externes. Oui, ben c'était les grands messieurs, les grands astronomes de l'époque, hein, regardaient les observations et ils réfléchissaient beaucoup. Évidemment, la puissance des calculs à l'époque était minime, mais bon, l'observation est claire. Quand on regarde les comètes à longue période, on voit qu'il y a une prépondérance des comètes qui ont un demi-grand axe, qui est la taille de l'orbite, qui est de l'ordre de 20 000 unités astronomiques. Donc, si la plupart des comètes à longue période ont un tel demi-grand axe, il doit bien y avoir un réservoir qui est là. Et vu que les comètes nous arrivent de toutes les directions, ce réservoir doit être plus ou moins une coquille sphérique et pas un disque. Alors que les comètes à courte période, elles sont toutes ont des inclinaisons petites par rapport au plan des planètes, tournent autour du Soleil toutes dans la même direction. Donc là, il faut bien un réservoir beaucoup plus près de chez nous et sous forme d'un disque. Et ça, c'était par contre le travail de Kuiper. Et il s'appelle d'ailleurs aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Et là, même pour Saint Thomas, aujourd'hui, on les voit, les objets de la ceinture de Kuiper, on en connaît quelques milliers. Alors justement, peut-être qu'on peut faire un peu un distinguo, parce que vous évoquez plusieurs choses distinctes, les comètes à courte orbite, à longue orbite, la ceinture de Kuiper. Comment est-ce qu'on, c'est quoi tout le distinguo entre ces objets-là, et qu'est-ce qui fait qu'on est certain, par exemple, qu'un objet nous vient du nuage de Oort, Alessandro Morbidelli, plutôt que de la ceinture de Kuiper? Oui, c'est donc on a déjà une répartition sur la période orbitale. Donc les comètes à courte période sont celles qui ont une période plus inférieure à 200 ans, les comètes à longue période supérieure à 200 ans. Mais ça, à la limite, c'est un peu formel, cette limite en période. Mais ce qu'on observe, en fait, une très forte corrélation. Les comètes qui ont une période courte, disons inférieure à 200 ans, typiquement ont des inclinaisons petites, donc ça veut dire qu'ils tournent autour du Soleil sous le même plan des planètes et dans le même sens des planètes. Et quand on va sur les longues périodes, là, ça change complètement. Les comètes arrivent de toutes les directions. Ça, c'est ça vraiment la grosse distinction. Du point de vue dynamique, aujourd'hui, nous distinguons entre les comètes écliptiques, parce que l'écliptique est les plans sur lesquels tournent les planètes autour du Soleil, donc ce sont plutôt les comètes à courte période, par rapport aux comètes isotropiques, parce qu'elles arrivent de toutes les directions, donc une pluie de comètes isotropes. Et ça, c'est évidemment, ça a plus de sens du point de vue dynamique que simplement parler des courtes périodes, longues périodes, sur une base stricte, formelle de 200 ans. 199 ans, c'est une courte période, 200 ans. Voilà, c'est ça. La limite entre la longue et la courte période, c'est 200 ans, mais c'est une limite arbitraire, ou est-ce que c'est vraiment une limite arbitraire? Oui, ça, c'est une limite arbitraire. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que ça correspond assez bien à une véritable transition, donc cette transition d'orientation des orbites cométaires. On va peut-être un mot, Jacques Lascar, sur justement cette structure du nuage de Oort en deux parties, donc un nuage externe et un nuage interne qu'on appelle le nuage de Hills, et qui n'ont pas tout à fait la même structure et qui n'ont peut-être pas même non plus tout à fait le même type d'objet. Oui, ben ça, c'est, je dirais que c'est ce qui a été ce qui est issu des modèles de formation aussi. De la... Mais là, je pense que Alessandro sera mieux placé pour répondre sur cette différence de structure entre les deux, entre la composante dans le plan et la composante en halo, en fait. Alors, Alessandro Morbidelli, sur ce nuage de Hills, qui serait une sorte de premier nuage en forme de disque, avant cet autre nuage qu'on appelle le nuage externe, qui lui serait plutôt de forme sphérique. Oui, c'est ça. Donc, Hills, le nuage de Hills est appelé aussi nuage de Oort interne. Donc, ça serait quelque chose intermédiaire entre un disque et un nuage sphérique. Il vient des modèles des formations. L'idée vient plutôt des modèles des formations. C'est-à-dire, on sait que les étoiles se forment dans des pépinières d'étoiles, dans des amas d'étoiles. Et donc, le Soleil, sans doute, ne faisait pas exception. Donc, à l'époque de la formation du Soleil, il devait y avoir un environnement solaire qui était beaucoup plus riche en étoiles qu'aujourd'hui. Et alors, les premiers objets expulsés par les planètes géantes en formation, qui étaient envoyés dans l'espace lointain, étaient beaucoup plus perturbés qu'aujourd'hui par les étoiles du champ, par l'environnement galactique local. Et étant plus perturbées, donc, elles vont être capturées sur des orbites qui sont plus proches du Soleil que celles du nuage des Oort, qui lui est l'issu du l'effet des étoiles dans l'environnement galactique actuel. Donc il y a vraiment deux phases de formation du nuage des Oort. Tout au début, quand le Soleil est encore enfoui dans son amas stellaire d'origine, les planétésimaux éjectés par les planètes géantes forment plutôt le nuage des Oort interne situé entre 1000 et 10 000 unités astronomiques. Mmh. Et au fur et à mesure que le Soleil sort de son amas, et donc il va dans un environnement galactique qui est comparable à l'environnement galactique actuel, les planétésimaux qui sont expulsés à ce moment-là, donc dans une deuxième phase un peu plus tardive, et eux sont capturés par les perturbations des étoiles voisines sur des orbites qui font plutôt entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques, donc plus loin. Et aujourd'hui, c'est cet nuage de Oort externe qui nous envoie les comètes. Le nuage de Oort interne est trop près du Soleil, et est difficilement vulnérable par les passages d'étoiles proches pour nous envoyer des comètes. Donc le nuage de Hills est vraiment assez hypothétique. On peut pas vraiment faire beaucoup de déductions sur la base d'objets qu'on voit ou qu'on voit provenir de là. Et c'est seulement les nuages de Oort externe, qui est un nuage actif, dont on peut déduire les propriétés sur la base des comètes observées. Et on va essayer de voir aussi ce qu'on peut déduire de la nature de ces comètes, puisque ces comètes, on les voit passer. Il y en a même quelques-unes dont on récupère des bouts sur Terre, et vous allez voir que, eh bien, leur composition peut varier en fonction, eh bien, du moment de leur formation et également, eh bien, de leur position aujourd'hui à l'intérieur de notre système. By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said, that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. And while my boat is drifting away, by the shore of my your sleep, just a word that I could keep. Oh, just a word that I could keep. And while my boat is drifting away, oh, by the shore of Miami Bay, oh, I'm still trying to figure out what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your fear, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, or just to be remembered. Comète de Cocoon à 16h35 sur France Culture, c'est ce dont nous parlons. Nous parlons de notre immense, gigantesque réserve de comètes tout au bout de notre système solaire, à la frontière avec eh bien, les autres systèmes solaires voisinants. Nous parlons du nuage de Oort en compagnie d'Alessandro Morbidelli, astronome planétologue, président du groupe thématique Système solaire du CNES, et de Jacques Lascar, directeur de recherche CNRS et directeur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. L'un des moyens d'étudier ces confins du système solaire que nous ne pouvons pas voir, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est très loin, il n'y a pas de lumière, c'est très compliqué de voir quoi que ce soit à cette distance-là, et bien c'est tout simplement en fait d'en ramasser les petits bouts qui tombent chez nous sur Terre et notamment dans les lieux reculés de la planète. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous n'êtes malheureusement pas allé jusqu'en Antarctique, mais c'était pas loin. Non, pas loin, mais j'ai rencontré Emmanuel Dartois, c'est à Orsay, c'est un peu plus proche. Emmanuel Dartois est directeur de recherche CNRS à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Avec son équipe, il travaille sur de très lointaines poussières venues de zones externes du système solaire et donc potentiellement de la zone interne du nuage de Oort. Ces micrométéorites qu'ils étudient et qui tombent du ciel sont récoltées en Antarctique et analysées pour comprendre la composition et l'évolution de la matière de ce système solaire jeune. Et pour mieux comprendre cette évolution, Emmanuel Dartois et son équipe s'attellent également à la reconstitution en laboratoire de micrométéorites analogues qu'ils soumettent à tout un tas de rayonnements similaires à ceux que l'on peut retrouver dans l'espace traversé par ces micropoussières. On bénéficie d'un cadre qui est organisé par l'Institut Paul Émile Victor ou l'Institut Polaire, qui a installé une base en Antarctique. Donc il y a toute une infrastructure existante déjà. Grâce à leur aide, dans le cadre du projet dont M. Jean Duprat est le responsable, il y a des expéditions qui sont régulièrement menées et qui consistent à aller donc sur cette base et ensuite s'éloigner légèrement de cette base pour aller collecter de la neige de surface dans lesquels ces météorites sont préservées, sont tombées du ciel. C'est un endroit particulier puisqu'il y fait très très froid, donc il n'y a pas d'eau liquide. Donc elles sont directement, une fois qu'elles sont mises dans cette neige, elles sont préservées et n'attendent plus qu'on aille les chercher. Ensuite, cette neige est prélevée, il y a un petit laboratoire sur place qui est installé pour collecter cette neige, la faire fondre très rapidement et passer dans des filtres. Ces filtres ensuite sont mis dans une atmosphère protégée, puis transféré depuis l'Antarctique jusque dans les laboratoires localement, et ensuite analysé une par une, extraite une par une dans une salle blanche pour séparer le grain de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les micrométéorites au travers d'autres choses, puisqu'il y a aussi des pollutions qu'on amène nous-mêmes lorsqu'on prélève la collecte, mais ça reste l'endroit le plus propre, on va dire, sur Terre pour effectuer ce genre de collecte. Ensuite, c'est analysé par des techniques électroniques pour vérifier que la composition chimique, enfin la composition en éléments, correspond à ce qu'on attend d'une poussière extraterrestre. C'est encore une étape intermédiaire. En fait, une des preuves définitives, en particulier pour les micrométéorites ultracarbonés, consiste à faire l'analyse des isotopes, des éléments qui constituent cette matière. En général, ils sont extrêmement différent de ce qu'on peut trouver sur Terre. Et alors là, c'est une preuve que c'est un objet qui ne vient pas de la Terre. Alors ça, c'est pour l'observation de ces objets qui nous parviennent, qui nous arrivent sur Terre. Ici, en laboratoire, vous recréez des analogues de ces poussières protoplanétaires, on va dire. Est-ce qu'on pourrait aller voir au laboratoire comment ça se passe et ce que vous essayez de faire directement? Oui. Et on se trouve dans une salle d'expérience où il y a un certain nombre de petites expériences accolées qui permettent de produire pour certaines des analogues de poussière interstellaire et interplanétaire, et pour d'autres ensuite, une fois qu'elles sont produites, je vais dire de les torturer avec des rayonnements qui sont ceux auxquels elles vont être soumises dans l'espace. Ça, en fait, vous reconstituez les conditions dans lesquelles elles évoluent dans l'espace interplanétaire. Voilà, on produit des analogues de composition les plus proches de ce que l'on va analyser en laboratoire pour la matière extraterrestre qui est collectée. Puis les soumettre ici, par exemple, à un rayonnement ultraviolet qu'elles peuvent rencontrer dans l'espace. Et également dans le cadre de collaboration, on peut aussi aller sur des accélérateurs, donc là des instruments bien plus grands qui ne tiendraient pas dans la pièce, pour en fait simuler la production aussi d'analogues sous l'effet de rayonnement bien plus intense de particules à très haute énergie, le rayonnement cosmique, ou pour les parties internes du système solaire, également le vent solaire, qui sont aussi des particules accélérées et éjectées par le Soleil et qui peuvent interagir avec cette matière durant son trajet. Là, on a un petit système, on va dire, qui est en fait un réacteur chimique. C'est un petit système plasma. Donc on va, grâce à ce petit système, introduire des molécules, les dissocier complètement, et elles vont se recombiner. Et en se recombinant, elles vont former des nouvelles liaisons et former un analogue solide. Et pour certains de ces analogues, ils correspondent à ce que l'on observe dans ces poussières interplanétaires. À partir de ces études-là et de ces tests que vous réalisez sur ces micro-poussières, est-ce que vous pourriez me mentionner par exemple un résultat auquel vous êtes parvenu, ce que vous avez pu établir comme réaction et comme évolution ? L'analyse de ces micrométéorites ultra-carbonés, par exemple, a conduit à justement identifier le fait qu'on a un rapport entre la composition en carbone et en silicium qui est bien plus élevé que celle qu'on va trouver dans les météorites qui proviennent de zones plus internes du système solaire. Et c'est un point de plus dans un gradient de composition, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait il semblerait que le rapport carbone sur silicium, donc organique sur roche, augmente plus on s'éloigne du Soleil. Et ça c'est un résultat qui est intéressant non seulement pour le système solaire dans ses étapes jeunes, ça veut dire qu'on a peut-être une destruction préférentielle d'une fraction de la matière organique dans les parties internes à certaines époques. On peut faire un lien entre toutes ces études faites en laboratoire et essayer de voir ce que l'on peut observer à distance dans ces systèmes solaires jeunes. Dans un avenir très proche, il y a plein d'opportunités d'observation avec le James Webb Space Telescope. Il y a aussi dans le domaine radio des interféromètres qui permettent de voir la phase gazeuse qui est éjectée d'éventuellement de cette matière organique comme ALMA. Enfin, il y a plein d'opportunités qui vont venir, et on commence vraiment, c'est vraiment maintenant on commence à pouvoir observer à distance des systèmes solaires jeunes et à commencer à faire une différence, qui c'est plus juste un point dans l'espace, c'est vraiment, on commence vraiment à vous faire de l'image résolue spatialement et à voir le disque dans toute sa dimension. Voilà les recherches autour de la nature, de ces petits fragments de notre système solaire primordial qui tombent et qui se déposent sur notre planète. Une réaction peut-être simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jacques Lascar. Oui, c'est assez extraordinaire. J'ai toujours trouvé extraordinaire ces recherches de micrométéorites. En fait, d'abord parce que si on n'avait pas les glaces de l'Antarctique, on les trouverait pas. Hein. On peut pas les trouver dans les autres endroits parce qu'on les, elles tombent partout. Il y a à peu près 50 000 tonnes de météorites comme ça qui tombent sur Terre, mais elles sont réparties uniformément. Et bien sûr, si elles tombent dans les océans, on les trouve pas. Si elles tombent dans les zones qui sont avec de la terre, des bois ou autres, on les trouve pas. Et en revanche, on les trouve en Antarctique. Et l'intérêt aussi de ces micrométéorites, c'est que si on a des corps qui sont un petit peu gros, en fait, ils vont être très affectés par leur rentrée dans l'atmosphère, parce qu'ils vont s'échauffer et ils vont brûler. Il va y avoir une couche superficielle qui va brûler. En revanche, s'ils sont très petits, leur vitesse limite va permettre en fait de les laisser arriver beaucoup plus ils vont être beaucoup moins affectés par leur rentrée dans l'atmosphère, en fait. Ils vont avoir leur propre parachute, en quelque sorte. Et donc, d'où l'intérêt de ces micrométéorites qui permettent d'avoir des résultats qu'on n'a pas dans les grosses météorites. Alessandro Morbidelli, sur ces travaux qui nous donnent aussi, dans l'analyse qu'on a entendue, hein, dans l'analyse isotopique des composés que l'on retrouve sur ces micrométéorites, une idée de la chimie initiale de notre système solaire et des disques protoplanétaires. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je voudrais rendre hommage à Michel Morette, qui était vraiment le pionnier en France, dans le monde, dans cette recherche des micrométéorites dans les glaces en Antarctique. Et c'est vraiment grâce à lui que cette activité a commencé, et tous ses disciples, étudiants, Jean Dupras, Cécile Ingrand, etc., en France, se sont vraiment distincts dans cette recherche. Les micrométéorites sont très importantes parce que, comme les météorites sont des échantillons d'astéroïdes, donc l'analyse des météorites nous permet de comprendre l'origine, la formation des astéroïdes, les micrométéorites sont les échantillons des comètes, et donc c'est en étudiant ces grains qu'on comprend la composition cométaire. Et d'ailleurs, les grains récoltés in situ autour de la comète Gerasimov-Churasimenko par la mission Rosetta, démontrent qu'effectivement, ces micrométéorites sont d'origine cométaire. Eh bien, les micrométéorites nous montrent des similarités des comètes avec les astéroïdes, mais aussi des différences. Par exemple, certains rapports isotopiques pour les comètes sont différents que les rapports isotopiques des astéroïdes, signe que les comètes se sont formées plus loin, dans une autre région par rapport aux astéroïdes. Parfois, les micrométéorites aussi sont différentes entre elles. Récemment, donc, une classe spéciale de micrométéorites qu'on appelle les micrométéorites ultracarbonées ont été trouvées en Antarctique, et elles montrent une chimie et une isotopie qui fait penser que ce sont des poussières vraiment qui viennent des comètes qui se sont formées aux extrêmes du disque protoplanétaire. Et donc des comètes qui ont hérité beaucoup des matériaux interstellaires qui n'ont pas été forcément reprocessés dans les disques, car les bords externes du disque a été toujours très froid, et donc la température était trop faible pour permettre une évolution des chimies locales. Donc c'est vraiment très important, en attendant de vraiment récolter des véritables échantillons cométaires, peut-être on les fera un jour par les missions spatiales. Aujourd'hui, les micrométéorites sont les biais pour lesquels on peut étudier les météorites en laboratoire. On a entendu, il y a évidemment une sorte, même si il y a, comme on vient de l'entendre et comme vous venez de le répéter, Alessandro Morbidelli, des différences de constitution isotopique de ces micrométéorites qui tombent sur Terre. Elles ont tout de même toutes plus ou moins un point commun. Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'unité de groupe de la nature des objets que l'on va trouver dans ce nuage de Oort qui vont une sorte de cohérence collective, Alessandro Morbidelli? Oui, on peut dire que sont relativement semblables, avec des petites nuances quand même entre les unes et les autres. Mais par exemple, si on regarde la composition isotopique de l'azote, de l'hydrogène, etc., il y a une certaine homogénéité, même s'il y a des hétérogénéités locales. Et donc vraiment, nous renseigne sur la nature chimique et isotopique du disque protoplanétaire. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt composés de quoi, ces objets? Alors, ce sont des objets plutôt composés de carbone, de matériel organique, matériaux organiques. Évidemment, à l'origine, il devait y avoir aussi de la glace d'eau, mais en tombant sur Terre, donc pénètrent dans les systèmes solaires internes d'abord, puis traversent l'atmosphère, donc elles perdent leur eau originale, leur glace originale. Donc ce qui reste, c'est la matière la plus réfractaire. Donc on a un peu tout dans les micrométéorites, en fait, mais il y a une grosse abondance des matières organiques, des matières carbone. Alors il y a un objet, moi, qui a attiré mon attention, mais est-ce que c'est peut-être que mon regard de béotien qui a fait cela, mais vous allez me le dire et me renvoyer à mon ignorance, ou au contraire éclairer ma lanterne. Dans ces comètes issues du nuage de Oort, il y en a une qui est un peu singulière, qui est 1996 PW. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler, et pourquoi cet objet est un peu différent des autres, Alessandro Morbidelli? Parce que c'est un objet qui a une orbite tout à fait cométaire, mais il montre aucune activité cométaire. C'est-à-dire une comète, normalement, quand elle pénètre à l'intérieur du système solaire, elle dégaze parce que les glaces commencent à sublimer Et donc, la vapeur d'eau s'échappe de la comète, et en s'y faisant, elle entraîne avec elle un tas de poussière qui se libère de la comète, et donc on a une coma autour de la comète, une queue de gaz, une queue de poussière, échassée par les vents solaires. Eh bien, 1996 PW a une orbite typique d'une comète à longue période, mais elle montre aucune activité cométaire, aucune activité de dégazage, aucune perte de poussière. Et si on regarde, on fait une analyse spectrale de cet objet, est vraiment l'analogue d'un astéroïde qu'on appelle l'astéroïde primitif, donc aussi des astéroïdes carbonés, on les appelle le type D, mais bon, peu importe, c'est la nomenclature technique. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un objet qui vient du nuage de Oort, parce que c'est une trajectoire typique des comètes à longue période, mais sans activité cométaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des astéroïdes aussi qui ont été mis en place dans les nuages de Oort et de temps en temps, ils viennent chez nous? Ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable comète, mais une comète qui a perdu sa glace, sans doute lors des passages précédents à l'intérieur du système solaire? Cette réponse, nous ne l'avons pas, et probablement on ne l'aura jamais, dans le sens que les astéroïdes primitifs et les comètes sont aussi des objets relativement semblables. Et donc, aujourd'hui, on découvre même des astéroïdes primitifs dans la ceinture des astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter, qui montrent une activité cométaire. Et quand est-ce qu'ils montrent une activité cométaire? Quand ils sont percutés. Quand quelques objets leur cognent dessus, forment un cratère, sans doute les cratères exposent des glaces dans les sous-sols de l'objet, et du coup, pendant quelques décennies, l'astéroïde a une activité cométaire avant de se rendormir, parce que toutes les glaces ont sublimé. Donc cette distinction entre astéroïdes et comètes est très ténue, disons. Il y a des astéroïdes qui sont très différents, astéroïdes très rocheux, comme les chondrites en satite, chondrites ordinaires, mais il y a ces astéroïdes primitifs, carbonés, et sont voisins, cousins proches des comètes. Et donc, évidemment, c'est très difficile quand on voit un tel objet sur une orbite typique d'une comète de dire « Ah, c'est un astéroïde qui a été envoyé dans Oort et il est revenu » ou « C'est une comète qui a simplement perdu ses glaces » parce que ces astéroïdes eux-mêmes pourraient être des anciennes comètes qui ont perdu ses glaces, au moins. Mais alors, si on résume un peu aujourd'hui, quelles sont les théories les plus solides pour la formation de ce nuage de Oort? Comment est-ce qu'on explique qu'il était renvoyé comme ça à l'autre bout de notre système, Jacques Lascar? Je pense que Alessandro va mieux répondre sur ce point-là. Parce qu'on va parler du modèle de Nice, mais vous pouvez faire ça à deux voix, nous donner un peu les prémices, et puis Alessandro complétera. Non, c'est pas le modèle de Nice qui va donner je crois pas, la formation du nuage de Oort. C'est le modèle général de formation comme l'a dit Alessandro tout à l'heure, avec la formation d'un disque plan et puis un disque en halo qui est aussi formé par des objets en partie capturés, en partie générés par le disque protoplanétaire. Mmh. Alessandro Morbidelli. Oui, mais un bémol près, cher confrère. Parce que, en fait, les planètes, donc, c'est les planètes géantes qui ont la masse, la force pour pouvoir expulser des planétésimaux aussi loin que le nuage de Oort. Mais les planètes géantes se forment dans les disques protoplanétaires quand il y a encore du gaz dans les disques. D'ailleurs, elles sont faites de gaz, les planètes géantes, par la plupart. Et quand il y a du gaz, si Jupiter rencontre une comète d'un kilomètre de taille et lui donne un coup gravitationnel pour l'envoyer vers les nuages de Oort, s'il y a encore du gaz, les gaz freinent la comète. Elle ne va pas dans les nuages de Oort. Elle s'arrête 30 unités astronomiques, 40 unités astronomiques. Elle ne peut pas aller jusqu'à 10 000 unités astronomiques. C'est trop loin, elle est trop freinée. Donc, en fait, les nuages de Oort doivent se former une fois que les gaz ont disparu. Ça, c'est une observation clé. Et donc, ça veut dire que les planètes géantes, une fois qu'elles se sont formées, une fois les gaz disparus, ont été capables de déstabiliser un réservoir de petits corps qui ne se retrouvaient pas tout à fait à proximité, parce que ces petits corps-là ont été engloutis ou envoyés pendant les phases de formation. Donc c'est là qu'est rentré en jeu le modèle de Nice, en fait, parce que le modèle de Nice prévoit que les planètes des géantes du système solaire ont soudainement changé d'orbite une fois les gaz disparus. Et en changeant d'orbite, elles ont dispersé les disques qui, à l'origine, étaient au-delà de Neptune, les disques transneptuniens. Et c'est la dispersion de ces disques transneptuniens dans un environnement sans gaz qui a permis, même aux petits objets, d'aller très loin et d'être piégés dans les nuages de Oort. Mmh. Donc, en fait, les planétésimaux qui se trouvaient entre les planètes géantes, qui ont été déstabilisés par la formation des planètes géantes, vu qu'ils ont été déstabilisés quand il y avait encore les gaz, les gros objets sont partis loin, ils ont été peut-être piégés dans les nuages des hortes internes, ou les nuages des îles, mais les petites comètes pas. Et d'ailleurs, les modèles d'Ennis prédit que dans les nuages des îles, il n'y a que des gros objets et pas de petites comètes. Mmh. Alors que les petites comètes, on peut les retrouver dans Oort, parce que Oort s'est formé dans une phase post-gaz. Mmh. Il faut que les gaz partent pour pouvoir envoyer des petites comètes aussi loin. Donc le modèle d'Ennis joue un petit rôle aussi. Mais ouais. Le principe de base, c'est que les planètes géantes envoient les objets loin et les étoiles les perturbent et les parquent sur ses orbites. Jacques Lascar, une réaction ? J'ai une question alors, c'est qu'est-ce qu'il en est dans d'autres systèmes planétaires ? Est-ce qu'on va trouver des nuages dehors dans d'autres systèmes Absolument. Planétaires ? Écoutez-vous, c'était la question que j'avais pour conclure. Donc Alessandro Morbidelli, est-ce qu'on peut imaginer observer une sorte de halo dans les autres systèmes planétaires, d'observer un autre nuage dehors qui pourrait même, dans les systèmes planétaires proches, venir perturber les nôtres ou s'entrecroiser? Sans doute, il y a d'autres systèmes planétaires qui doivent avoir des nuages d'Oort, mais pas forcément. Non, mais est-ce que ça va être générique pour un système planétaire? Pas forcément. Il faut que les planètes géantes soient encore en contact avec un disque, puissent déstabiliser un disque des petits corps une fois que les gaz ont disparu. Si les planètes géantes, par exemple, ont migré vers les systèmes solaires internes, et ils ont laissé derrière les disques des planétésimaux, ce système-là ne formera jamais un nuage d'Oort. Et est-ce qu'on peut poser aussi la question, quelle est la part dans le nuage d'Oort d'objets capturés ? Alessandro Morbidelli. Alors, quelle est la part d'objets capturés ? On peut capturer des objets dans les nuages d'Oort, surtout dans la phase primordiale, quand le Soleil est encore enfoui dans la masse stellaire. Ça a été modélisé, par exemple, par Al Levison et ses collègues. Effectivement, aussi, beaucoup d'étoiles éjectent des comètes dans l'espace. Et vu les faibles vitesses relatives et les rencontres stellaires assez fréquentes, on peut capturer des comètes interstellaires dans les nuages d'Oort. Mais de là à faire tout le nuage d'Oort par des comètes interstellaires, c'est quand même difficile. Je pense que l'efficacité est trop faible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine homogénéité des propriétés chimiques isotopiques des comètes. Elles ne sont pas si différentes, en fait, sont identiques aux comètes à courte période, qu'elles viennent certainement de notre disque. Donc, une hypothèse de capture a un peu du mal à expliquer cette similarité. Question pour conclure, est-ce qu'il est envisageable, compte tenu de la nature, de la distance, de la structure de ce nuage, de pouvoir l'observer autrement, ou en tout cas de réussir à l'observer directement, soit avec de très très bons télescopes depuis la Terre, soit pourquoi pas en envoyant une sonde dans cet espace très lointain? En un mot, Alessandro Morbidelli. Donc la sonde, non, c'est vraiment trop lointain. Hein. C'est trop loin, il n'y a pas assez d'objets. On a été visiter Pluton, qui est à 40 unités astronomiques, là on parle de milliers d'unités astronomiques, c'est vraiment hors jeu. Mais il y a une technique que nous permettra de sonder les nuages d'Oort, c'est la technique d'occultation stellaire. Il faut observer un grand nombre d'étoiles, et s'il y a un grand nombre de comètes, de temps en temps, par hasard, une comète va passer devant une étoile, et va créer une petite baisse de luminosité, une petite occultation. Alors, il y a déjà des instruments qui cherchent à détecter des objets par occultation. Ce sont des instruments au sol. C'est une manip entre Taïwan et les États-Unis. C'est le télescope Taos à Taïwan, oui. Et les télescopes Taos, bravo, voilà. Et il y a une équipe française au laboratoire LISIA, l'Observatoire de Paris, qui est très impliquée aussi à la recherche d'occultation. Ces techniques sont encore en phase de naissance, disons. Les résultats, pour le moment, sont très discutés, pas trop bons. Il y avait eu. Je vais être obligé de vous arrêter. Oui, malheureusement, je suis obligé de vous arrêter parce qu'on arrive au bout. On pourrait continuer cette conversation en micro. Et puis d'ailleurs, je propose à Jacques Lascar de venir m'aider dorénavant pour faire les interviews. C'était super. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Alessandro Morbidelli et Jacques Lascar, d'être venus nous parler de ce nuage de Oort et de cette étude un peu discutable sur le deuxième soleil dans la formation de notre système. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Audrey Guélil à la réalisation. Un mot pour vous dire que normalement, on croise croise les doigts. Vendredi, nous serons en direct du festival Les Utopiales à Nantes. Il faut réserver, c'est gratuit, mais on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter @lamethodefc pour parler de science-fiction comme littérature punk. Et demain, nous irons arpenter les réseaux sociaux, l'autre pays de la science. Comment est vulgarisée la science en ligne? N'y a-t-il que là que l'on peut trouver de la vulgarisation sérieuse à destination de tout public? Ou au contraire, faut-il s'en méfier? Réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.